Quoi rajouter de plus, à part que c'est la fin. Tu prendras le prochain bus, au pire le premier train. On s'est lâché la main, chacun a pris son chemin. Des destinations multiples, multiples que nous offre le destin. Yeah, certains se marient et d'autres se séparent. Ainsi va la vie, les aléas de ces histoires. J'aimerais faire un trait sur nous et ne plus jamais te voir. Préférer te haïr que de rêver toi le soir. Je ne peux pas me fuir, alors je garde espoir. Ma musique est mon seul exutoire, pour le reste y'a tout qui foire. Tout va bien, je me dis chaque matin. Tout va bien, je serai fort et serein. Si toi aussi ta vie ressemble à une grosse galère, si rien ne va, tout te saoule, alors nique ta mère. Une sale odeur de merde flotte dans l'air. J'aimerais tant gérer ma vie avec une main de fer. Yeah. Si toi aussi ta vie ressemble à une grosse galère, si rien ne va, tout te saoule, alors nique ta mère. Une sale odeur de merde flotte toujours dans l'air. J'aimerais tant gérer ma vie sans faire de bras de fer. Yeah. Pour passer le temps et pouvoir t'oublier, je choisis le champ, je remets mon tablier. Les yeux rivés sur mon sablier, je regarde défiler le temps pour complètement t'effacer. Les jours s'enchaînent et mon amour s'atténue. Je me dis qu'au fond tu n'étais qu'une histoire de cul. Je t'oublierai un peu plus à chacun de mes pas. Si ton numéro s'affiche, je ne répondrai pas. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis sorti avec toi, j'avais les yeux à Gilbert Montagnier. L'amour est une arme, s'en servir avec précaution. Les blessures qu'elle laisse peut-être cicatriseront. En attendant, je continue mon chemin. La main vide, mais le cœur rempli d'émotions. En chantant tous les jours ce petit refrain. Si toi aussi ta vie ressemble à une grosse galère, si rien ne va, tout te saoule, alors nique sa mère. Une sale odeur de merde flotte dans l'air. J'aimerais tant gérer ma vie avec une main de fer. Yeah. Si toi aussi ta vie ressemble à une grosse galère, si rien ne va, tout te saoule, alors nique sa mère. Une sale odeur de merde flotte toujours dans l'air. J'aimerais tant gérer ma vie sans faire de bras de fer. Yeah.